L'amour, c'est vital, le sexe aussi. L'évolution commerciale de la Saint-Valentin permet aux plus étourdis de faire au moins une fois dans l'année un effort afin de ressouder le lien qui s'était sournoisement distendu. En effet, il est déplorable que les couples enlisés dans la routine ne réalisent plus la chance qu'ils ont d'avoir trouvé l'amour en oubliant fréquemment à quel point cette attache est essentielle pour être heureux et se maintenir en bonne santé. Tout comme les rapports sexuels fréquents sont indispensables pour sauvegarder la complicité amoureuse au fil des années. Il est d'ailleurs assez incroyable qu'il reste des personnes suffisamment naïves pour penser que la sexualité est secondaire, alors qu'en réalité, il s'agit du ciment de la relation amoureuse. Beaucoup de gens pourront témoigner de la facilité de forniquer sans amour, en revanche, maintenir une flamme sans rapport sexuel, c'est quasiment mission impossible. Dans un couple, chacun a pour mission de prendre soin de l'autre. Maintenir une activité sexuelle satisfaisante fait partie de ses nombreux impératifs. Il se trouve qu'une femme a non seulement besoin de se sentir aimée, mais aussi désirée. Et ce n'est certainement pas l'affection qui a pris le relais de la passion qui pourra compenser cela. D'autant plus que chaque fonction du corps humain a une utilité bien précise. Rien n'a été laissé au hasard. Par conséquent, le programme orgasme est tout sauf une option de luxe, car il permet au corps de se réguler en libérant les tensions tout en apportant la détente et la bonne humeur. À n'en pas douter, une bonne baise remet les idées en place, quel que soit l'état d'esprit. D'ailleurs, le sexe est un antidépresseur bien plus sain que les pilules magiques fournies à tour de bras par les médecins. Il devrait d'ailleurs sérieusement songer à prescrire des orgasmes de qualité plutôt que des pilules de toutes les couleurs aux nombreux effets secondaires. Surtout que le sexe est une pratique sérieuse, qu'il ne faut pas prendre à la légère car cela n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Il est possible d'aimer à la folie et pourtant se trouver dans l'incapacité totale de s'accorder, car le vécu de chacun ainsi que le stress peuvent avoir des impacts négatifs sur la libido. C'est pourquoi il va falloir beaucoup d'amour et surtout une communication confiante pour dépasser ces désagréments qui n'ont rien d'une fatalité. Il est avéré que l'amour et l'épanouissement sexuel sont à la portée de tous, à condition de s'en donner les moyens et ce n'est certainement pas l'indigent cadeau de Saint-Valentin qui va parfaire la relation. Sauf s'il s'agit de la cerise sur le gâteau. C'était Evan Matisse et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.